Stephen King aime les sacrifices, Stephen King aime marcher dans les rangs, Stephen King a écrit Les Enfants du Maïs, Fritz Kirsch l'a adapté et Ethan Wiley en a réalisé la quatrième suite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis avec Chris, bonjour. Hello! Ça va? Ça va. On se remet difficilement des Tomino Kui, mais ça va. Oui, bah c'est un peu compliqué, effectivement. C'est... ah, c'est ce que c'est, quoi. Ah oui. Ça fait mal. Ouais. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du cinquième film, Les Démons du Maïs. Les Démons du Maïs, la secte des damnés, Children of the Corn, Fields of Terror, qui est sorti en version originale directement en DVD le 21 juin 1998. Je n'ai pas vraiment d'informations sur la date de sortie française. Nous allons nous lancer. Le rapport avec la nouvelle est relativement lointain, sorti qu'il y a un culte enfantin autour du maïs. Par contre, on va spoiler le film. Donc si vous voulez absolument le voir, déjà c'est disponible sur YouTube en VO. Et sinon, bah, revenez plus tard. T'es prêt? Je suis prêt. It was supposed to be a fun road trip. Where are we? You're on private property. Town's about a mile that way. Now, they're stranded in a desolate town. You people look a little lost. Is there a tow truck service? Nope. We're also looking for some friends in a convertible. We don't get a whole lot of tourists in here. They've been told to leave. I want you on that 8 a.m. bus out of here. You got it? Hey! Okay! Now what? But someone doesn't want them to go. No! And for them to stay alive, they must discover the secret of this town's dark mystery. And look evil in the face. Children of the Corn 5. Les Démons du Maïs 5 nous racontent l'histoire d'un groupe d'amis à peu près dans la vingtaine qui font le deuil d'un de leurs camarades qui est mort quelques temps plus tôt. Et alors qu'ils sont en voyage pour faire leur deuil, justement, ils se perdent en route et se retrouvent près de Divinity Falls, un village où des enfants orphelins entretiennent un culte autour de celui qui marche entre les rangs, donc dans le maïs, qui apparaît sous la forme d'un feu qui ne s'éteint jamais dans une sorte d'immense silo, sous les ordres d'un adulte mystérieux appelé Luc. Le film est écrit et réalisé par Ethan Wiley. Bon, bah, les Démons du Maïs, c'est une Sega qui tourne bien chez... Chez Dimension Film. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a qui sont relancés pour des petits budgets, en se refilant souvent à des jeunes réalisateurs, avec un jeune casting. Ethan Wiley, en début de carrière, il avait travaillé plutôt sur des effets spéciaux. Il a travaillé chez ILM, donc le studio d'effets spéciaux de Lucas. Mm-hmm. Par exemple, il a pas mal bossé sur les Ewoks dans Le Retour du Jedi. D'accord. Et il est aussi au design et en tant que marionnettiste sur le premier Gremlins. Ah oui, oui, donc ça va, c'est pas un manche, quoi. Non, en tant que directeur des effets... Enfin, pas directeur, mais en tant que responsable d'effets spéciaux, il a fait des trucs. Oui, bah, les Gremlins, c'est plutôt bien, et même, bon, les Ewoks, on en pense ce qu'on veut, mais visuellement, c'est pas horrible, quoi. Oui, ils sont plutôt réussis, visuellement. En tant que scénariste, c'est lui qui a scénarisé les deux premiers films House, dans les années 80, et c'est lui qui a réalisé le deuxième, aussi. Ok. Il a aussi réalisé un film appelé Elfman, un film donc autour de Noël. Sa carrière est assez lente de manière générale, mais il semble qu'il soit encore actif aujourd'hui, même s'il n'y a rien de nouveau sur IMDb depuis 2017. Mais jusqu'en 2017, il faisait un petit truc par-ci par-là, tous les 2-3 ans, quelque chose comme ça. Ok. En anecdote amusante, il a fait aussi un peu de musique, et avec John Scholl, il a composé à la dernière minute deux chansons un peu rock et un peu nulles pour Jason X. Jason X étant réalisé par James Isaac, un ami de Wiley qui est réalisateur de seconde équipe sur ce film Les Démons du Maïs. Très bien. Jason X, le fameux Jason dans l'espace de la saga Vendredi 13. Ouais, c'est celui-là. Et du coup, pour faire futuriste, ils ont mis du rock, parce que quoi de plus futuriste que le rock dans les années 90? Oui, c'est vrai. Le titre original, c'était Fields of Scream, qui est changé, d'après le réalisateur, pour éviter toute association avec la saga Scream, qui avait commencé un peu plus tôt et qui est dans la même compagnie, c'est aussi Dimension Films. Ouais. Mais le succès des Scream est tout de même un peu voyant sur les choix faits pour ces Démons du Maïs 5, et notamment le choix de centrer l'intrigue sur une bande de jeunes nerds qui sont entre les 20 et les 30 ans. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore eu dans la saga Démons du Maïs jusqu'à présent, et c'est complètement pour tenter de rameuter à peu près le même public que les Scream. Un public un peu plus teenager. Oui, voilà, c'est ça. Dans une interview qu'il a donnée pour Ciné Fantastique, Wiley dit qu'il s'intéresse depuis un moment aux mécaniques par lesquelles les sectes embrigadent les personnes en état de faiblesse et que c'était donc un des thèmes qu'il voulait traiter dans son film. Nous reviendrons sur le traitement de ce thème. Au casting, donc, nous allons commencer par le groupe d'amis. Allison est jouée par Stacy Gallina, dont quasiment tout le reste de la carrière d'actrice s'est faite à la télévision, dans la série Côte Ouest, par exemple, ou dans la série Carole. Pour le meilleur et pour le pire aussi, elle est dedans. Et a priori, elle avait du mal à retenir ses textes, donc comme elle tournait beaucoup sur des sitcoms hebdomadaires et que son choix serait été de passer aux sitcoms quotidiennes, elle s'est dit que ce ne serait pas gérable niveau mémoire. Donc elle s'est reconvertie comme bijoutière en 2011. Ah d'accord, un sacré grand écart. Oui. On avait déjà eu un acteur dans je sais plus quel film qui s'était reconverti... Non, un compositeur qui s'était reconverti en psy pour je sais plus quel film. Ah oui, oui, oui. Je me souviens plus quel film, mais je me souviens de l'anecdote. Greg est joué par Alexis Arquette, qui est la sœur de Rosanna, Patricia et David Arquette, donc de Scream, ce qui fait un lien de plus entre les deux. La majorité se fait dans les années 90, donc avant qu'elle fasse son coming out trans, d'où le fait qu'elle joue le personnage de Greg, qui est bien un personnage masculin dans le film. Et la majorité de sa carrière se fait dans des séries B. D'ailleurs, on la reverra parce qu'elle est aussi dans Vengeance Diabolique 2, qui était sorti 2 ans plus tôt et qui a lui aussi l'air d'être un sacré chef-d'œuvre. L'adaptation donc de Court Jimmy Court. C'est ça, enfin la suite de l'adaptation de Court Jimmy Court. Oui. Et la même année que Les Démons du Maïs, elle jouait dans La Fiancée de Chucky. Elle a un petit rôle dans La Fiancée. Ah, je me souviens plus, tiens. D'accord. Non, moi non plus, mais dans la mesure où je suis pas physionomiste, ça m'a pas plus surpris que ça, et c'est vraiment pas un des rôles principaux hein, de La Fiancée, qui est de toute façon très centré sur les poupées, pour le coup. Oui. Sa carrière ralentit beaucoup par la suite, donc elle fait son coming out trans au milieu des années 2000, elle milite pas mal pour les droits des personnes trans, et en fait avant les années 2000, elle avait déjà pas mal tourné en cabaret dans un numéro de travestissement, pour le coup, tel qu'elle le présentait, sous le pseudonyme de Eva Destruction. Stylé! Oui, le pseudonyme est super stylé, je trouve. Et plus triste, elle est morte en 2016 des suites du sida. Ouais. Kir, qui est un nom de méchant dans Détective Conan, je crois. Vu que tous les noms d'alcool y sont passés, c'est fort probable qu'il y ait celui-là. Est joué par Eva Mendes, alors qu'elle était en tout début de carrière. Pour le coup, elle n'était pas connue à l'époque, Eva Mendes. Donc on ne pouvait pas dire que c'était une actrice de prestige pour le film. Oui. En fait, c'est son premier film mentionné sur IMDb. Et quel film ? Ouais. Elle accédera à la notoriété quelques années plus tard, en partie grâce à Training Day, ça a pas mal participé. Sinon, sa carrière, bah, c'est des hauts et des bas, c'est pas mal quand même de la série B avec Too Fast, Too Furious et d'autres Fast and Furious, Desperado 2, Ghost Rider, Bad Lieutenant, qui met un peu plus tout le monde d'accord sur sa qualité. Oui, mais bon, on peut pas dire que ça soit non plus une carrière flamboyante, quoi. Non. On peut citer, alors c'est un tout petit rôle parce que c'est un film à sketch, elle est que dans un des sketchs, elle est dans Holy Motors de Léo Scarrax, dans lequel elle joue le segment consacré à Monsieur Merde. Voilà, ça, ouais. Ça te donne envie de voir le film. Non mais j'ai vu Holy Motors, je l'ai vu bah, il y a longtemps, vers sa sortie. C'est très bien. Ouais, j'aime beaucoup ce film. Elle a mis fin à sa carrière d'actrice, en 2014. Elle a plus ou moins pris sa retraite, hein, en réalité. Et dans une interview, il y a quelques années, à ce sujet, elle dit qu'elle en avait un peu marre, en fait, qu'on lui propose quasiment exclusivement des rôles spécifiquement de latino-américaine, très centrée sur ces questions-là. Elle aurait bien aimé qu'on arrête de prendre ça en compte pour lui refiler des rôles, d'arrêter d'être cataloguée vis-à-vis de ses origines. Oui, j'imagine bien que c'est... Ça doit pas être très appréciable. Ouais, ça doit être chiant à force. Et j'ai vérifié pour la curiosité, même si j'étais quasiment sûr, il n'y a aucun lien avec Sam Mendes. Tyrus est joué par Greg Vaughan. Lui, il a surtout joué à la télévision. Il a eu un rôle important dans la deuxième saison de Charmed, apparemment. Et il est dans plus de 600 épisodes de General Hospital, aussi. Pour le groupe d'amis, c'est tout. On va passer à l'enfant principal de la secte, qui s'appelle Ézéchiel. Les chefs de la secte ont quasiment toujours des noms tirés de la Bible. Oui, très biblique. Pendant tout le film, je me suis dit que je le connaissais, cet acteur, mais en fait, c'est juste qu'il a la même tête de gamin psychopathe que Dewey dans Malcolm, mais en fait, c'est pas lui. Ah oui, d'accord. Voilà. Par contre, il a joué dans Un drôle de shérif. Je sais pas ce que c'est, mais c'est le truc le plus mis en avant dans sa filmographie, et il est aussi dans Un flic à la maternelle. Ah. Voilà. Maintenant, il fait surtout des voix, il apparaît ici et là dans des petits rôles, mais on peut pas dire que c'est une carrière qui est vraiment décollée. Au contraire de la carrière un peu plus reluisante de celui qui joue Luke, qui est donc David Carradine. Oui. C'est clairement le nom de prestige du film, même si Prestige et David Carradine, il faut avoir quand même une certaine conception série Z. Ah oui, voilà, oui. Mais en tout cas, quand je l'ai vu, ça m'a fait un peu plaisir de le voir quand même. Oui, pareil. Bon, il a l'air de... On en reparlera, mais il a l'air d'en avoir absolument rien à foutre d'être là. Ah bah, il passe le film assis, hein, de toute façon. Quand il se lève, c'est pour mourir. C'est extraordinaire, quoi. Il avait commencé sa carrière dans les années 60. Il a travaillé à Broadway, David Carradine. J'aurais pas cru ça. Avant de se faire proposer des rôles un peu plus importants dans des films et dans des séries, notamment la série Kung Fu de 72 à 75, qui est ce qui va le propulser sur le devant de la scène... Il est dans La course à la mort de l'an 2000, un Roger Corman intéressant, où il y a aussi Stallone, sauf que préfère le remake. Avec Statham, du coup. Ouais. Oh, ouais, les deux sont sympas, mais c'est vrai que, disons que le remake a apporté une vraie dose de modernisme qui est plutôt sympathique. Au niveau rythme, la version Corman un petit peu vieillie quand même, quoi. Ouais. Mais c'est pas un film dénué d'intérêt. Oui. D'ailleurs, dans le remake avec Statham, il fait un caméo vocal. C'est lui qui fait la voix du pilote Frankenstein, celui qui est toujours entièrement masqué. Oui. Au milieu de pas mal de séries B, il a quand même tourné en étant le rôle principal, hein, dans un Ingmar Bergman, L'œuvre du serpent. Et il a aussi tourné pour Jean-Marie Pallardy dans Femme ou maîtresse. Que j'ai en DVD mais que je n'ai pas vu encore. Faut admettre que dans les années 90, donc au moment où il fait Les Démons du Maïs 5, il est quand même pas mal oublié, il fait des apparitions comme ça, bah souvent en restant assis, des trucs comme ça, avant que Tarantino le remette un peu sous les projecteurs avec le rôle de Bill dans Kill Bill en 2003-2004, et faut admettre qu'il a une sacrée prestance dans ce rôle-là. Oui, clairement. Par la suite, on le reverra par exemple dans un rôle très raciste de vieux chinois pervers dans Hypertension 2, mais je peux pas m'empêcher d'aimer, encore une fois. Oui, bon, on va pas. C'est pas la première fois qu'on parle de la duologie hypertension dans cette émission. C'est ça. Et il meurt en 2009 d'un accident de masturbation. Voilà. Voilà. Il pratiquait le. Comment on peut dire ça? L'étouffement masturbatoire. Ouais, c'est ça, et il s'est un peu trop étouffé. Et vient un malheureux accident l'a conduit, bah malheureusement, à en mourir. Ouais. Il voilà. a sa fiche sur Nanarland, évidemment, et il y a pas mal de ses films qui sont chroniqués, mais c'est un acteur qui a joué aussi dans pas mal de bons trucs, en réalité. Oui, non, mais clairement, par contre, c'était quand même un acteur vraiment distingué, pour le coup. Ouais. De même que le prochain acteur que nous allons mentionner, un autre habitué de série B qui joue ici le shérif Skaggs, c'est Fred Williamson. C'est assez rigolo parce qu'il a aussi sa fiche sur Nanarland et il a aussi joué pour Pallardy dans Whitefire. Pour le coup, il a joué dans le film culte de Jean-Marie Pallardy. Voilà, le Pallardy. Ouais. Vivement le Pallardy cast. Il a débuté. Alors, on attend que Pallardy soit mort, sinon il va vouloir venir participer et ce sera gênant. Il a débuté, lui, dans le football américain. Il a fait quelques années avant de se tourner vers le métier d'acteur. Son premier rôle qui le fait identifier apparemment, c'est Black Kaiser de Larry Cohen, dont on a déjà parlé puisque c'est le réalisateur des Enfants de Salem. Ouais. Et ça l'a pas mal entraîné dans le créneau de la blaxploitation pendant les années 70 et 80. Il est l'acteur de la principale de la série de films Black Cobra, par exemple. Il joue dans Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, qui fait partie des bons Robert Rodriguez. Oui. Et il a lui-même réalisé un certain nombre de films, même s'il a largement ralenti aujourd'hui, il est encore actif, en réalité, Williamson. Ok. À noter aussi que dans le casting, il y a deux enfants de Frank Zappa. Il y en a un, Ahmed, qui joue Laszlo, le jeune aux poupées gonflables, qui est un des premiers à mourir. On reviendra sur cette étrange idée. Oui, oui. Et oui, oui. Sa fille Diva joue la fille de la secte à la perceuse. Qui tente de tuer les gens avec une perceuse. Voilà. Ah oui, celle qui a une coupe un peu spé. Ouais, c'est ça. Par remarque, du coup, ça fait d'elle le seul personnage un peu travaillé niveau esthétique. Mais bon. Oui, au moins on l'identifie bien. Ouais. La photographie est de David Lewis. C'est lui, par exemple, qui a fait la photographie de Leprechaun 4 Destination Cosmos et de La Colline à des Yeux 2, le vieux La Colline à des Yeux 2. Léprochaume dans l'espace, quoi. Incroyable. Ouais. Elle est pas top, la photo de Léprochaume dans l'espace. Oui, bah, la saga Léprochaume, hein, en même temps. C'est pas faux, mais... S'il vous plaît, quoi. Et sinon, lui aussi a fait plein de trucs, des jumelles Olsen dans les années 80-90. C'est fou, j'ai l'impression que ça doit être les personnes qu'on a le plus abordées dans ce podcast, alors que ça n'a rien ils n'ont jamais avec... fait de trucs associés à King, mais tout le monde a travaillé avec les jumelles Olsen. C'est une sorte de trou noir qui attire tous les gens qui n'ont pas de carrière. Les effets spéciaux sont gérés par la compagnie SOTA FX, comme pour le quatrième, pour les effets de maquillage. Et c'est donc géré par Roy Knirim, Jerry Macaluso et Connor McCullagh. Ce dernier ayant plutôt une belle carrière puisqu'il a travaillé récemment sur Insidious Red Door, Charles de Poule 2, des films Hunger Games, et il a globalement une belle carrière tout le long de sa vie. Et les effets pyrotechniques sont gérés par Ken et Eric Whitley. Pas bien. La musique est de Paul Rabjohn, que je trouve régulièrement plutôt dans les équipes de montage musical. En fait, il a assez peu composé de BO vraiment. On peut citer celle de Halloween 6, qui est vraiment pas un très bon Halloween. C'est lequel déjà, Halloween 6 ? C'est celui qui travaille sur le lien psychique, je crois, entre la gamine et Michael. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Eh oui, effectivement, il est pas très bien celui-là, oui. Ouais. Le film a quand même eu le droit, alors il n'est pas sorti en support physique en France, mais il a eu le droit quand même à une sortie Blu-ray aux États-Unis en duo avec le 6e ou 666e film. Et actuellement, il a 14% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 75e entre Maximum Overdrive, La peau sur les os et La tour sombre au-dessus, et le film Les démons du maïs de 2020 en dessous. Et il a 2,2 étoiles sur Allociné, ce qui le place 60e à égalité avec Dans les hautes herbes et Kingdom Hospital. Ah oui, quand même. Voilà. Ah oui, quand même, on n'est pas d'accord, je pense. Effectivement. The outsiders call me a monster, a molester, a lunatic. But I am none of these things. I am a prophet. I am the savior of these children. Saving them from what? Years ago, it was I was working in the fields, and I came upon an infant child who had been left there to die among the corn rows. I took him home. I raised him as my own. About that time, the eternal flame sparked to life, acting as a beacon to all those forgotten children who had been abused and neglected by their so-called parents. I gave them love. I gave them purpose. Now they have the chance to serve a higher order, to worship he who walks behind the rose. Nous allons justement pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. On commence à en avoir traité des démons du maïs dans cette émission. Je pense qu'on commence à plus en pouvoir des démons du maïs dans cette émission. Et pourtant, c'est pas le pire. C'est dire l'ampleur du désastre. Non mais, allez, commençons par les points positifs. Visuellement, le film n'est pas dégueu. En termes d'image, je trouve. Le cast n'est pas horrible. Le problème, c'est surtout ce qu'on leur fait jouer. Plus que le casting en lui-même. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je suis assez d'accord. La musique est assez timide, mais elle n'est pas désagréable, j'ai trouvé. Il y a même certaines petites partitions dans des moments qui se veulent un peu émotion, qui passent plutôt bien. Oui, elle fait le travail sans être remarquable. Et certaines mises à mort rendent plutôt bien en termes de visuel. Le problème, c'est qu'elles sont toutes très... Enfin, elles sont majoritairement soit classiques, soit bien trop peu montrées. Pour un film de ce genre-là, quoi, c'est malheureux. Et sinon, à part ça, bah, c'est très très chiant, parce que il se passe pas grand-chose jusqu'au final, où là, par contre, ça pétarade dans tous les coins, quoi. Je suis assez d'accord, ça m'a laissé un sentiment bizarre, parce que en même temps, ça donne l'impression qu'il se passe pas grand-chose, et en même temps, si on fait la liste des événements, il y a pas mal de trucs. Alors c'est peut-être que je compare au Démon du Maïs Genesis, où là, il se passe vraiment vraiment rien, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de rebondissements qui se succèdent, mais en effet, il n'y en a aucun qui est remarquablement marquant. On sent une tentative d'écrire des choses autour des personnages, de leur donner des enjeux, autour de l'héroïne qui a son frère dans la secte, par exemple, oui. Et autour de l'autre fille du groupe. Les deux filles du groupe sont globalement un peu plus intéressantes que les garçons. L'autre fille du groupe qui, elle était vraiment en couple avec le gars qui est mort dans leur groupe d'amis, et du coup elle vit mal son deuil, elle va être un peu embrigadée dans un sec, donc il y a une tentative, sauf que c'est mal fait, c'est fait avec des énormes sabots, ça avance par à-coups, donc ça fonctionne pas au final. Mais on peut partir, je trouve que le film a au moins le mérite d'avoir de l'ambition, oui, par rapport à d'autres films Démons du Maïs qui se reposent beaucoup plus sur leur laurier, voire sur rien du tout. Oui, voire sur rien du tout pour Genesis. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que, comme tu dis, au moins ça tente des choses et ça tourne pas à vide, en fait. Ouais, mais il y a pas mal d'éléments qui vont pas, de gros trucs scénaristiques où on a du mal à pardonner certaines ficelles, je trouve. Au final, oui, j'ai pas tellement aimé... Non, moi non plus, j'ai pas tellement aimé. Mais par exemple, oui, dans les trucs qui fonctionnent un peu et que j'ai pas évoqué, les décors, globalement, sont pas dégueux. La grande baraque qui abrite la secte, les petites routes désertes, les champs de maïs. Tu sens qu'il y a pas de pognon, mais au moins, les lieux sont bien choisis et ça sonne vrai. Oui. Comparé au cabanon dégueulasse de Genesis. Pas trop mal filmé, en fait. Le réalisateur sait s'en sortir pour mettre en avant ses décors. Oui, ses décors. Et avec le budget qu'il a. Le film s'ouvre, par contre, sur quelque chose de très étrange, parce que je me suis dit « Oh putain, les Tommyknockers reviennent !» J'y ai pensé aussi. Il y a une espèce de lumière verte là qui jaillit de je ne sais plus quoi, qui attaque un gamin, du coup, pour le posséder, on va dire. Ouais. Et derrière, il se transforme en Super Saiyan. Oui. Il convoque la foudre pour électrocuter des paysans dont on ne sait pas bien ce qu'ils ont fait, en réalité. Bah, ils sont propriétaires du terrain et donc du champ de maïs. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Ah oui, c'est juste pour récupérer le champ de maïs, tu penses ? Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, en tout cas. Ouais, t'as peut-être raison. C'est des propriétaires terriens qui possèdent le champ de maïs, du coup, ils les butent parce que... il le dit, je crois, le maïs est à nous, et puis voilà, c'est tout. Oui, mais bon, ils leur demandent même pas vraiment de partir avant. Et apparemment, ils ont déjà fait pas mal de victimes, donc ils feraient le tour des champs de maïs depuis un moment. Bah, je sais pas, mais en même temps, on parle on parle d'un enfant démoniaque qui appartient à une secte ultra-sectaire, il va quand même pas leur demander leur pièce d'identité. Non, mais bon, on peut dialoguer quand même. Ah oui, on peut dialoguer avec le feu et la foudre. Oui, d'ailleurs, c'est pas la même chose, le feu et la foudre. Hein. C'est quand même l'un des thèmes du film, hein, c'est combattre le feu par le feu. Oui. Quelque chose qui revient assez souvent dans le film comme phrase, comme métaphore, et à la fin, comme action directe. Ouais. Je sais pas si ça marche en réalité, mais fallait le tenter. Je ne pense pas. Ça présente la secte, il y a un mec dont le kink bizarre est d'accrocher des poupées gonflables partout sur sa route. Ouais. Je ne sais pas d'où ça sort, c'est très bizarre. Bah je sais pas, j'ai pas compris non plus. Voilà. Pourquoi faire ça ? À quel moment en fait ? Bah surtout que techniquement, il est avec le groupe de 4 protagonistes. Ils sont pas dans la même voiture parce qu'il n'y avait pas assez de place, mais lui aussi, il est censé faire le deuil de leur ami. Oui. Ce qui ne se ressent pas dans le début, hein. Ils ont l'air d'en avoir pas grand-chose à faire de leur ami qui vient de crever et dont ils ont les cendres en main, quand même. Oui, quand même bizarre comme passion, quoi. Oui. Peut-être un kink lié à Serge Gainsbourg, je sais pas. Je sais pas. Poupée de cire, poupée gonflable, je ne sais pas. Mais surtout que ça se transporte... Enfin, c'est compliqué à transporter, des poupées gonflables. Bah, ils les gonflent sur la route, donc ça va. Oui, enfin, sacré souffle, hein, à mon avis. Ah bah, écoute, il faut ce qu'il faut, quoi. On a une envie pressante. Ouais. Mais là, il a l'air d'aller très vite pour les gonfler à chaque fois. Ah, il était très habitué, le monsieur. Faut croire, hein, si c'est une habitude. C'est les premières victimes de la secte. Oui. Le meurtre de la dame est très mal filmé. Il est surcuté. Bah, il est quasiment pas filmé, en fait. On la voit quasiment pas prendre deux coups. Oui, parce qu'on voit seulement ce qui résulte des coups qu'elle prend. Ouais. Et lui, c'est pas tellement bien filmé non plus. Enfin, c'est pas beaucoup mieux, je trouve. Mm. On le voit se prendre une espèce de faux dans le ventre, pour le coup. Mais ça s'arrête là. C'est ça. Mais globalement, jusqu'à la fin du film, en fait, tous les meurtres sont très lambda et peu montrés. Oui, oui, effectivement. L'autre groupe a une sorte d'accident, en tout cas ils dévient de leur route et donc ils se retrouvent enfoncés dans le fossé. Oui. Ce qui fait qu'ils doivent aller à la ville la plus proche pour essayer de demander de l'aide. À ce moment-là, il y a les cendres de leurs potes qui se dispersent et ils n'en ont vraiment rien à faire. C'est assez incroyable en fait. J'avoue. À ce moment-là du film, en tant que spectateur, c'est limite si même toi t'en as plus rien à foutre. Bah, il y a un peu de ça, oui. Et puis le truc, c'est qu'après, ça essaie de te le mettre comme un thème, le deuil. Et pourtant, ouais, il y a ce début où ils sont assez détestables. Je comprends pas cette scène de présentation des personnages, en fait. Oui, c'est très étrange, je suis d'accord avec toi. Ils arrivent donc à une sorte de petit village dans lequel il y a un bar troqué où ils vont s'arrêter un peu. Ouais. Et où on va entendre parler pour la première fois de celui qui marche entre les rangs. Avec des adultes du bar qui disent il y a des enfants orphelins pas loin qui vouent un culte à ce truc-là. Et ça fait tout de suite réagir Allison, donc, qui est plus ou moins l'héroïne du film. Ça a l'air de lui dire quelque chose sans qu'elle entre dans le détail pour le moment. Oui, on le saura plus tard. Moi, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est mais que fait la police, du coup ? Ben oui. C'est-à-dire, tout le monde semble être au courant qu'il y a des enfants qui ont créé une secte autour de quelque chose de bizarre, et personne n'intervient. C'est très bizarre. A priori, tout le monde est... Enfin, il y a eu plein de morts dans les environs, tous les propriétaires terriens des environs se sont fait tuer, donc ça aurait dû attirer un minimum l'attention, ouais. Surtout qu'en plus, quelques minutes après, on nous montre que, bah si, en fait, il y a des autorités, vu qu'il y a un personnage de shérif. C'est vrai que les autres démons du maïs, d'habitude, se passent dans un endroit qui a été, d'une manière ou d'une autre, un minimum isolé. Même dans le set, l'immeuble dans lequel ça se passe, il est isolé du reste de la ville parce qu'il est à moitié décrépit et personne n'y va. Oui, voilà. Très souvent, c'est parce que ça a été déserté ou parce que les enfants ont tué tout le monde. L'un ou l'autre. Oui. Alors que là, oui. Dans les premiers, c'est vraiment l'Amérique profonde, des petits villages où personne passe jamais ou alors rapidement. Aussi, oui, les espèces de ces mini-villes fantômes américaines. Ouais. Alors que là, oui, comme t'allais dire, bah, y a du monde, en fait, autour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne n'intervient? Bah oui, il y a du monde, il y a des bus qui circulent. Pas beaucoup, il y en a deux par jour, mais il y en a. Donc ça devrait attirer un tout petit peu plus l'attention, effectivement. Les personnages vont se réunir donc dans une maison qu'ils trouvent sur leur route. Ils ont quoi comme lien avec cette maison? Ils en ont pas. Mais rien, c'est la question que je me posais. J'ai vraiment l'impression qu'ils squattent, en fait. Ouais, c'est complètement des squatteurs, on est d'accord. Ou alors j'ai pas compris, hein, mais... Il faut dire ce qui est. Le film a un énorme problème de montage et d'ellipse. Oui. C'est vraiment, vrai que c'est y a des très dur où de garder le rien. Compte du jour et de la nuit. C'est effectivement une remarque que je me suis fait plusieurs fois. En fait, à plusieurs reprises dans le film, t'as un enchaînement entre deux scènes où tu comprends qu'il y a une ellipse, et en réalité, cette ellipse ne devrait pas être possible parce qu'il devrait s'être passé plein de trucs. Depuis, notamment au moment où les flics doivent intervenir, t'as l'impression qu'ils mettent une éternité à faire le trajet, en fait. Ah oui. Il est assez mal géré dans sa temporalité. Mais donc, ils arrivent à une maison, ils sont pas particulièrement surpris de constater qu'il y a encore de quoi manger dans les placards, comme si les gens étaient partis brutalement, etc., etc. Oui, bah tu comprends que la maison appartient à des victimes de la secte. Oui, nous, on le comprend, mais eux se posent pas trop la question. Hein. Je sais pas, ils sont peut-être habitués à squatter, mais... Bon. Peut-être. Moi, non. Ah bon? Il y a Allison qui va un peu plus s'expliquer sur son rapport à cette histoire de celui qui marche entre les rangs. En réalité, elle avait un frère. Enfin, elle a un frère, il est toujours vivant, a priori. Et leur père était violent avec elle et avec son frère, sauf que elle, dès qu'elle a pu, il y a une assez grosse différence d'âge entre eux, elle s'est barrée en laissant le frère seule victime du père. Et un jour, il est parti en laissant juste un mot pour dire qu'il rejoignait celui qui marche entre les rangs. Et on apprend aussi que leur pote qui est mort n'a pas eu un accident, il a laissé une lettre de suicide, donc il se serait suicidé. Ce qui va pas mal affecter Kier, donc sa petite amie jouée par Eva Mendes, sauf que ça sera pas vraiment réutilisé comme idée. Oui. Donc, bah, ils passent la nuit là-bas, dans une maison qui n'est pas la leur, en sachant qu'il y a une secte bizarre pas loin, mais bon, bah, ils n'ont pas peur, pourquoi? Oui, non, mais ils n'ont pas l'air d'avoir peur de grand-chose, finalement. Ouais. Enfin, ils n'ont pas l'air de se soucier de la vie, en règle générale, en fait. Attends, surtout qu'à ce stade-là, ils savent que leurs potes sont morts. Oui. Pendant la nuit. Oui, on a oublié de mentionner ça. Ils apprennent que leurs potes sont morts. Oui, ils le savent. Ça ne les affecte pas du tout. Tout à fait. Que les deux autres soient. J'avais oublié tellement ils n'en ont rien à battre. Avec la scène un peu rigolote pour le coup où les mecs qui ramassent les cadavres cherchent à reconstituer ce qui appartient à chacun. Ça, c'est un peu rigolo. Avec le shérif là. Ah, mais ouais. c'est un gros orteil ça. Ouais. Et donc le shérif les a enjoints à partir avec le premier bus le lendemain matin, mais. L'héroïne Allison va pas vouloir partir parce qu'elle veut absolument revoir son frère. C'est ce qui va nous introduire à la secte, puisqu'elle va s'y rendre avec un autre, et à Luc aussi. Oui, la prestation d'un acteur qui a l'air d'avoir strictement rien à foutre d'être là, vraiment uniquement là pour toucher son cachet, qui est assis sur une chaise totalement à la zob, il en a rien à faire. Et il récite son texte probablement affiché sur un prompteur dans le fond de la pièce. Ouais, voilà. Je pense qu'il. C'est vraiment, moi ce que ça me renvoie comme image. En plus, son texte est très cliché et grandiloquent. Ça m'a presque surpris que Kill Bill soit sorti après, parce qu'il y a un petit côté mec qui essaie d'imiter Tarantino, je trouve, dans ses dialogues. Oui, tout à fait. Sans que ça fonctionne, hein, mais il y a l'essai. Et Allison va être autorisée à voir son frère, enfin, qui va lui dire non, je veux pas te suivre, en plus j'ai une femme et je vais avoir un enfant ici. Bah oui, parce qu'ils sont obligés d'avoir des enfants très jeunes, hein, vu qu'à 18 ans, ils se font achever. Donc forcément, oui, pour parce que perpétrer le culte. La secte leur vend ça en mode, oui, à partir de 18 ans, tu deviens impur. Ce qui est pour le coup une plus ou moins constante des démons du maïs, hein, qu'il y a un âge auquel les... Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est quelque chose qui revient constamment. D'ailleurs, l'impureté, ils règlent ça par un suicide forcé. Où les... Oui. Ceux qui atteignent l'âge adulte montent sur un château d'eau et doivent se jeter dans le vide. Et c'est quelque chose qui est repris dans l'un des derniers qu'on a vu, là, le plus moderne, là, le dernier épisode à être sorti en date. Il y a le château d'eau, effectivement, ouais. Et ils doivent se jeter dans le vide. Mais là, ils doivent se jeter dans le feu. Il y a un feu dans le château. Oui, il y a un feu dedans, oui, c'est vrai. Ils doivent se sacrifier, en fait, à l'entité démoniaque. Oui. Qui, encore une fois, dans celui-là, existe vraiment, comme dans la plupart des démons du maïs, en réalité. Hein. On sait que l'entité existe. Oui. C'est juste que là, elle n'est pas physiquement représentée dans celui-là, c'est vraiment du feu. Bon, c'est des flammes, ça reste un peu physique. Oui, mais c'est pas une créature faite de maïs, comme dans je sais plus quel film. Bah, de celui de 2020. Bah oui, le tout dernier, c'est vrai. Celui qui est sorti post-Covid. Qui a été retourné pré-Covid, mais sorti post-Covid. Qui a été tourné pendant le Covid, pendant la pandémie, ouais. Ah oui, non, c'est la pré-prod. Ouais, la pré-prod était avant, du coup, oui. Et du coup, le frère dit « Je veux rester là, je veux accomplir mon devoir », mais il remet une sorte de Bible, on va appeler ça comme ça, enfin la Bible du culte, en tout cas. Oui, oui, avec des messages cachés. Allison, avec des messages cachés. Alors, message caché. Message caché digne des plus grands épisodes de « Où est Charlie ?». Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est une énigme de Mickey Parade, quoi. Et encore, Mickey Parade est des fois plus compliqué. Ouais. Déjà, il y a l'autre enfant, il y a Ezekiel qui le voit écrire sur le livre, et en fait, c'est turbo pas discret, c'est-à-dire, moi, je vois un mec de mon culte qui retrouve sa sœur et qui se met à écrire un message sur un livre, bah, je demande à lire le message. Oui, ouais, clairement. C'est nul comme move déjà. Il est très mauvais président de secte, ce gamin. Je sais bien qu'il a que 11-12 ans, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Mais donc, il met un message pour appeler à l'aide dans le livre qui va pas mal marquer, par contre, bah, Kyr. Oui. Avec justement ce côté assez maltraité du thème, parce que en réalité, son versement dans la secte se fait de manière ultra rapide. Il y a grosso modo deux scènes. Il y a celle où elle parle avec l'espèce de beau gosse fermier qui lui fait un discours de témoin ouais. Jéhovah, là. Il la séduit de manière tellement... J'en perds mes mots. Donc, et après, en réalité, elle dit pas tout le livre. Elle lit... Enfin, on la voit pas lire tout le livre, et là, pour le coup, il y a pas vraiment d'ellipse. Donc, en gros, elle a lu la quatrième de couverture et la préface. C'est ça. c'est un peu rapide pour verser dans une secte, quand même. C'est ça. Non mais oui, vraiment le thème... si vraiment, comme tu l'as dit, c'était une volonté de réalisateur, bah c'est très mal fait, quoi. Ouais. Alors que pour le coup, c'est un thème intéressant. Et oui, effectivement, totalement. On ne l'a pas vu dans les autres démons du maïs, parce que ceux qui parlaient du rapport aux sectes, c'est Runaways, mais qui parlait plutôt de s'échapper des oui. sectes. Et celui de 2020 qui allait le traiter au final via tout son message écologiste aussi, via le message sur la radicalité, mais c'était très différent. Oui, c'était très différent. Dans les deux. Là, ça aurait permis de traiter un thème qui paraît assez logique, assez cohérent avec la saga. C'est dommage que ça ait été raté. C'est ça. Oui, parce que même dans celui de 2020, au final, tu retiens plus le message écologiste que le message Oui, c'est sectaire. Ça, c'est plus sur la radicalité qui pousse assez loin et qui pousse effectivement à vouer un culte discutable. Voilà. Allison, did you read what your brother wrote? No. He who walks behind the rose, earth our only father. Hey! Let's see here. Hey, look, a recipe for cyanide fruit punch. I was reading the book, and it makes a lot of sense, you guys. Like what? Basically, it says that children are born into this world free of sin and completely pure. And being raised by adults, well, then that's when they become, you know, when they become tainted. Tainted? Evil. You're losing it, Kier. What do you think, Al? I think there's probably a lot of truth in it. That's what makes it so dangerous. Là, du coup, bah oui, le personnage va rejoindre la secte et va décider de se sacrifier à la place du frère qui, lui, au dernier moment, refuse de monter au silo pour se jeter dans le feu divin. Ouais. Elle y va... Elle y va vraiment tranquille au bilou. Hein. Ouais, c'est ça, elle est... c'est... Elle est vraiment très très convaincue, très très rapidement. Hein. Et puis c'est vraiment une scène qui manque totalement d'émotion, quoi. Elle se jette... Vraiment, tu ressens pas grand-chose devant la séquence, quoi. Ouais, elle a pas d'hésitation, elle a pas... En même temps, on n'est pas tellement attaché au personnage non plus. Non, surtout pas à celui-là, c'est vrai. Bah, franchement, le seul personnage pour qui j'avais un minimum d'attachement, et c'était pas foufou non plus, c'est Allison. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Bah, disons que les autres personnages sont des personnages fonction, et d'autant plus les personnages masculins qui sont totalement ratés. Ouais. Déjà, j'ai mis à un moment dans le film à me dire, mais, ah, mais en fait, il y a trois personnages masculins, j'avais pas compris. Tellement ils se ressemblent tous. Alors que physiquement, ils sont assez différents pour le coup l'un de l'autre quand même. Oui. C'est vrai, c'est vraiment la personnalité. Donc, qui celui est aux poupées gonflables, il est chauve. Alexis Arquette, elle a un espèce de bouc dégueulasse. Et l'autre, je sais plus à quoi il ressemble parce qu'il est encore plus oubliable. Bah, l'autre, c'est une espèce de blondinet typique footballeur américain, un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Ah, il couche avec Kier d'ailleurs. Oui, peut-être. Oui, la nuit. Ah, oui, exact, oui. Ça servait à rien, ça aussi. Ça servait absolument à rien. Surtout qu'il n'y a même pas de planichon, au final. Donc ça sert vraiment à rien, doublement. Oh là là là là, on en est là. Donc ensuite, bah, c'est là que l'intrigue commence à devenir encore plus confuse au niveau de la temporalité, parce qu'il y a de plus en plus de disparus dans le groupe principal. Justement, le blond a disparu aussi. Oui. Il y a Ekir, donc c'est sacrifié. Les policiers sont revenus leur dire qu'ils doivent partir rapidement, mais sans non plus particulièrement les entraîner. Mais c'est là qu'a priori, il y a quelqu'un qui va prévenir la police, mais on voit même pas vraiment la scène où ça prévient la police. Bah non, tu découvres quand les flics sont prévenus, quoi, au moment où ils débarquent. Ça fait partie des ellipses pas très compréhensibles du film. La police est prévenue et les pompiers aussi, vu qu'ils ont appris qu'il y a un feu dans le silo. Ouais. Qu'ils vont tenter d'éteindre. Ça tourne cacao. Hein. Ouais. Ah oui, c'est pas Fire Force là. Ah non, clairement pas. Ni Backdraft, comme ça on a cité tous les trucs que je connais avec des pompiers. Ni Chicago Fire. Ah, je la connais pas celle-là, ça fait partie de toutes ces séries Chicago. Il y en a pas eu plusieurs comme ça avec les différents services de Chicago. Bah, il y a eu les flics, les pompiers, l'hôpital et la justice. Voilà. Et bah, du coup, oui, ça tourne cacao. Tous les pompiers finissent brûlés parce que le feu, en fait, a la capacité de les attraper. Retenez ça pour la suite. Ça ne sera pas réutilisé. Là, pour le coup, il est mal fait, le feu numérique. Il est dégueulasse. Il est vraiment... En même temps, le feu, c'est quand même très souvent compliqué à réussir. Et c'est même un élément qui peut être souvent raté, même aujourd'hui, dans des gros blockbusters, attention. Oui. C'est très très compliqué. Y compris dans des films qui réussissent en effet leurs effets spéciaux. Je pense à Godzilla Minus One, qui est irréprochable au niveau des créatures. Les effets de feu sont plus imparfaits. Ouais, on est d'accord. En même temps, ça doit être particulièrement difficile à réussir. C'est un comportement assez complexe, le feu. J'imagine que maintenant qu'on commence à bien gérer l'eau, on doit commencer à bien gérer le feu aussi, parce que je pense que c'est quand même le même niveau de complexité. Mais oui, ça va encore être pour les grosses productions pendant un moment, et des films des années fin 90, 2000, qui ont des effets de feu ratés, il y en a légion. C'est ça le souci. C'est pour ça que quand on peut, il vaut mieux les faire pour de vrai à cette époque. Hein. Bah, surtout que c'est pas comme si on était plus capable de le maîtriser, quoi, aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut en termes de sécurité, de technique pyrotechnique, d'équipe, excusez-moi, pyrotechnique, on sait maîtriser du feu, quoi. C'était peut-être un poil cher vis-à-vis du budget du film. Ouais, ouais, peut-être. Il a déjà dû être claqué en partie dans ses décors. Oui, voilà, c'est vrai. Après, je parle pas forcément de ce film-là, je parle de tous les films en général. Oui, oui, oui. Et donc, bah, le flic Fred Williamson va arriver face à Luke. Donc, c'est la deuxième scène de David Carradine, la deuxième et dernière scène de David Carradine. Oui, avec sa fameuse mort. Ouais. Comment dire ? c'est tellement particulier. Alors déjà, c'est le moment où il se lève, attention, incroyable. Je me suis dit que c'était ça son erreur, hein. C'est ça qui met fin à sa vie. À sa vie, oui. Le gamin fait un tour de tournicotis tournicoton. Sa tête s'ouvre en deux par la force du Saint-Esprit. Bah du coup, il meurt, hein. Parce que en général, c'est ce qui se passe quand ta tête s'ouvre en deux. Il sable, je te l'apprends. Ouais, dans le sang, ouais. Mais médicalement, j'ai demandé à un médecin, il confirme que c'est fiable. Écoute, moi j'ai bouffé 15 saisons de la série Urgence, je sais très bien que quand ta tête s'ouvre en deux, tu meurs, en général. Et t'as très peu de chances de survivre, quoi. C'est le Dr. Green qui m'a tout appris. Voilà. Voilà. Urgence, toujours l'une des meilleures séries au monde, hein, rappelons-le. Et, Issam, il va falloir qu'on discute. Parce que je ne sais pas, après ce qui se passe, on voit une espèce de truc bizarre jaillir de son cou, oui, de sa tête, et cracher du feu sur le flic. Oui. Et... qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends. À partir de ce moment-là, le film me perd. C'est, tu l'avais pas dans Urgence, ça ? Non, j'ai pas eu ça dans Urgence. J'avais arrivé au Dr. Green. je pense. C'est un épi de maïs qui sort de sa tête ou qu'est-ce qui se passe ? Non, pour moi, c'est une incarnation de la créature démoniaque. Ouais. Pour moi, tel que je l'ai compris, donc le chef, le vrai chef de la secte, depuis le début, c'est Ézéchiel, c'est le gamin. Le gamin possédé. Oui, ça, on est d'accord. Et pour moi, il a mis une sorte de parasite dans... je sais pas où il a trouvé Luke. Je sais pas d'où il sort. Ça devait être un... Il était peut-être assis là. Il était vendu avec la maison, je sais pas. En tout cas, il a mis le parasite dans Luke pour avoir une figure adulte, peut-être, pour être le communicant, pour être... pour s'occuper des relations extérieures et pour avoir un peu plus de prestige face aux autres enfants pour bien embrigader. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, l'utilité. Oui. Mais là, il voit plus son utilité. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il fait changer d'avis, à part peut-être qu'il se radicalise. C'est très bizarre. Hein. Enfin, vraiment, ouais. Le déroulement de la scène est étrange. D'autant que je trouve qu'il y a un peu une similitude entre la manière dont surgit la bestiole et la tête qu'elle a. Et les aliens dans Alien versus Ninja. Oui, exact. Oh, ce flashback. Ouais. Alien versus autre Ninja. Un chef-d'œuvre du nanar, mais incroyable ce film. Ouais. J'avais fait une vidéo dessus à une époque courte pour présenter ses qualités nanar, justement. Oui, oui, oui, je me souviens. Et là, effectivement, ça rentre dans le final où... il se passe beaucoup de choses niveau action, pour le coup, on peut pas retirer ça, mais où c'est toujours pas mal le bordel. Mais tu comprends pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, déjà, pourquoi il fait nuit ? Oui, déjà, alors tout que il fait jour, normalement, à ce moment-là. Bah oui, il y a eu une... Là, pour le coup, il y a eu une ellipse, c'est alors, une attends, de ces ellipses qui aurait pas dû avoir lieu. Précisons quand même que l'effet spécial de la mort de Carradine, puis ensuite qu'il crame la gueule du flic, est ultra bien fait. Oui, oui, oui. Bah, vu que c'est un effet spécial physique, il est vraiment réussi, effectivement. C'est vraiment genre, tu regardes la scène se déroule, tu te dis, mais je comprends plus rien, qu'est-ce qui se passe ? C'est de la merde. L'effet spécial arrive, tu fais, ah, bon bah ça va. Ouais, mais on avait déjà dit ça du 4, hein, dans mon souvenir, des effets mécaniques de, Runaway, ouais. De maquillage du... Non, le 4, c'est celui avec le mercure. Ah non, oui, c'est pas Runaway, comment il s'appelle le 4 ? La moisson, apparemment. La moisson. Les effets spéciaux étaient vraiment bien faits dans celui-là, ouais. Ouais, et c'est la même équipe qui s'en est occupée, donc ça doit être lié. Visiblement, oui, ils sont à peu près oui. compétents. Et ceci explique cela. Le 4, c'est celui avec Naomi Watts, pour rappel, dans le rôle principal. Oui, exact. De carrière à l'époque. Mais donc oui, l'effet est réussi, et après on retrouve les deux derniers survivants du groupe d'amis, donc Allison et, j'ai oublié son nom, Greg. Qui retrouve déjà le frère d'Allison en tentant de fuir. Il voit que les policiers sont morts, il voit que les pompiers sont morts, et il retrouve le frère qui est peut-être un petit peu crédule quand la secte de psychopathes lui a dit qu'il pouvait partir quand il voulait. Il pouvait peut-être se douter qu'il y avait une couille dans le potage. Effectivement, oui, il court comme ses pieds, lui. Ouais. Et donc, il meurt, mais il a le temps de parler une dernière fois à sa sœur, de lui dire « je ne t'en veux pas », etc., etc. Oui. J'ai oublié comment il y passe, lui. Lui, il y passe... déjà, il a été pas mal amoché avant d'être suspendu dans la grange. Et je crois qu'il se reprend un coup dans le ventre. C'est juste qu'il est tabassé à mort, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, il se prend des coups de lame aussi. Hein, oui. Et là, il y a la scène la moins discrète du monde, puisque il y a la tentative de réparation de la bagnole où ils parlent à voix haute, alors qu'ils sont dans un hangar en plein milieu du territoire ennemi, encore une fois. Oui, en plein milieu du territoire ennemi, en pleine nuit, donc normalement avec pas grand bruit autour de toi. Bah oui, c'est ça. Alors il se trouve que le camp est un peu agité ce jour-là, mais bon, quand même. Oui, mais bon, effectivement, tu ne fais pas ça. C'est... oui. Quand tu dois agir discrètement, tu ne te mets pas à gueuler en plein milieu d'un camp de psychopathes. Ça ne marche pas. Et bah du coup, lui, il n'arrive pas à s'évader. Il le fait exploser la voiture. Voilà, c'est lui qui combat le feu par le feu. Donc on revient à ce qu'on disait au début. Ouais, enfin c'est un des deux parce qu'elle le fera aussi, Allison, juste derrière. Oui, c'est vrai. Mais en effet, il se sacrifie. Alors pour emporter deux gamins avec lui, hein, il n'est pas très efficace quand même. Bah, il emporte justement celle qui a la coupe de cheveux particulière. Oui, il emporte la fille à la perceuse, ouais. Voilà, fille à la perceuse, et l'autre qui essaye de lui cramer la gueule à coups de chalumeau. Ouais. La fille à la perceuse, moi, elle m'a fait penser à la fille qui a littéralement des mains perceuses dans Bloody the Lincoln Girl Chainsaw. Ah oui. Très bon manga. Oui. Et Allison, elle, décide de mettre fin à tout ça. Alors, comment elle sait qu'il faut mettre fin à tout ça, étant donné qu'elle n'a pas vraiment lu le livre, que son frère lui a parlé 5 minutes chrono et qu'elle l'a jamais vu, le silo, elle? Parce qu'elle a lu le scénario. Ouais, c'est ça. C'est là. Parce que ta gueule, c'est magique. Je pense que c'est... faut pas chercher plus loin. Et elle décide de, en effet, combattre le feu par le feu en jetant un élément inflammable dans le silo pour éteindre le feu alien. Tellement con, putain. Mais le pire, c'est qu'il y a des stratégies, je crois, qui consistent à faire un feu pour contrer un autre feu, mais ça se fait pas à la zob, quoi. C'est un truc. Oui, voilà, c'est ça. Elle tue Ezekiel qui essaie de l'arrêter. Oui. Bon, elle le tue, le combat est pas ouf, hein, encore une fois, mais voilà. Et du coup, les autres enfants sont désenvoûtés. Oui, c'est ça. C'est totalement ça. Mais ça colle pas vraiment, du coup, au thème de l'addiction, enfin, du fait d'être embrigadé dans des sectes où normalement, t'en sors pas en un claquement de doigts, justement. Bah, en général, tu n'en sors pas du tout, en fait. T'en sors pas indemne. Même une fois sorti, en fait, t'es pas vraiment sorti. Oui, après, il y a des moyens, il y a quand même des moyens de bien s'en remettre, mais c'est quelque chose de long. Oui, mais t'as un suivi, normalement. Voilà, c'est voilà. Ça. T'as un suivi, c'est une réintégration, un réapprentissage total des codes de la société. Surtout que là, alors on sait pas depuis combien de temps elle existe, cette secte, mais surtout là, c'est des jeunes, pour la plupart. Ah oui. Donc, ça peut encore plus les mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la société. C'est ça. Donc, encore une fois, ok, il y a la volonté de traiter le thème, mais c'est vraiment pas très bien fait, quoi. C'est ça. Et la fin du film, bon, pareil, je te laisse la raconter, si tu veux. Bah, on découvre qu'en fait, le parasite est toujours là. Par contre, j'ai pas trop compris d'où vient le gamin. C'est son neveu, en fait, à l'héroïne. Tu sais, ça nous disait que son frère... attendait un enfant avec celle avec qui il avait été marié, et c'est la fille qu'on voit à la fin. Ah oui. Et, ah oui, coup, exact, ça y est. C'est son neveu, mais comme elle est vraiment jeune, la fille, bah forcément elle a moins de 18 ans, sinon elle serait plus dans la secte. Oui. Les parents et elle décident de confier l'enfant plutôt à Allison pour qu'elle s'en occupe. Et on voit que l'enfant est possédé. puis à la fin ses yeux s'illuminent en vert et rouge. Voilà, c'est ça, lui aussi il a les Tommy Knockers dans les yeux. Et elle agit très bizarrement sur la fin, tu sais pas trop si elle est, si finalement elle a été embrigadée ou pas, je trouve qu'elle a un comportement très étrange, elle a l'air totalement perchée. Ouais, il y a un peu de ça. Le souci c'est que comme c'est pas très bien écrit, je me dis que c'est peut-être juste qu'elle savait pas trop quoi jouer, c'est difficile oui, à dire. Voilà, c'est fort possible que ça soit ça. Et voilà, c'est sur ça que se termine ce truc. Ce film, pardon. C'est le souci des films qui ont des faiblesses et qui essaient de jouer sur le non-dit. On sait plus ce qui relève d'une subtilité volontaire et ce qui relève d'un truc mal fait. Mais donc voilà comment se termine ce film. Bon, comme vous l'avez noté, oui, il se passe pas mal de trucs. C'est juste qu'il n'y en a aucun qui est pleinement convaincant, à part la mort de David Carradine grâce à un chouette effet spécial. C'est ça. C'est le seul moment du film dont on peut dire « Oui, ça, c'est vraiment réussi. » Voilà. Sinon, voilà, il y a cette volonté de développement psychologique, mais qui n'aboutit, hélas, pas. Très bien, nous avons choisi une scène vers le milieu du film. Comme d'habitude, avec les suites, il n'y a pas de comparatif avec la nouvelle, parce que bah, ça n'adapte plus le texte original à proprement parler. Donc une scène vers le milieu du film, quand Allison vient de parler à Luke et Ezekiel et peut rencontrer son frère en tête-à-tête très brièvement et essaie de le convaincre de sortir de la secte et essaie de s'excuser. Jacob? Alice? I can't believe it's really you. How did you find me? I'm not sure. A lot of luck and a little intuition, I guess. Do you mind? I'd like a few moments alone. I'll wait outside. Happy birthday. Not till tomorrow. I know. I just... Dad passed away a few months ago. That was inevitable, wasn't it? Jacob, I know it wasn't easy for you. You left me alone with him. And I'm so sorry. Please give me a chance to make it up to you. Come home with me. This is my home. And this is my family. I have a wife now. Luke chose her to bear my child. He chose her. Do you love her? Of course. What kind of a question is that? Why is everyone so young here? Children are still pure of heart and mind. They have not yet been corrupted by the ways of the outsiders. After your 18th birthday, you become an adult, enter the age of sin. For you, that's tomorrow. Yes, it is. What about Luke? He's an adult. Does that make him evil? Luke is different. Jacob, do you want to stay here? You must leave now. Très bien, donc voilà, c'est une scène qu'on a choisie parce qu'elle fait partie des à peu près réussis du film. Oui, parce que c'est plutôt aidé par une musique plutôt sympathique sur le moment qui arrive à retransmettre un peu d'émotion, parce qu'on l'a dit globalement, les musiques de la BO du film, et sans être extraordinaire, elle est loin d'être dégueu non plus. Et voilà, même si, les dialogues sont un peu cousus de fil blanc, il faut quand même le reconnaître. Oui. Mais, Et puis que les personnages n'ont pas été suffisamment développés auparavant et qu'ils ne le seront pas suffisamment par la suite, donc la scène, au final, ressemble un peu à un coup d'épée dans l'eau, mais elle a le mérite d'être là, on va dire. Oui, ça. Voilà, c'est ça. Encore une fois, comparé au très très peu de développement de personnages dans la majorité des autres démons du maïs. Bah voilà, c'est ça le problème aussi. Mais après il y a cette connerie qu'on a déjà signalée du Ezekiel qui laisse le mec écrire dans sa Bible, alors qu'il a l'air turbo-suspect en plus au moment où il le fait. Ouais. Sinon, on peut dire que ça montre la volonté du film de faire des trucs. C'est peut-être le meilleur moyen de le dire. C'est ça. Et je vois même pas tellement de trucs à en rajouter. Bah, moi non plus. En fait, c'est ça qui est triste. La meilleure scène, c'est la mort de Carradine, on en a déjà parlé suffisamment. Ouais, et puis c'est trop visuel pour pouvoir en parler. Oui, en plus. Ouais. Mais c'est peut-être dommage qu'on n'ait pas plus vu l'actrice qui joue Allison, parce qu'elle s'en sort pas trop mal. Avec un meilleur texte, je me dis qu'elle aurait pu faire des bonnes choses, je pense. C'est vrai que l'actrice est loin d'être mauvaise, pour le coup. Les autres, c'est plus dur à dire, vu que leurs personnages sont encore plus mal écrits. Enfin, Eva Mendes, elle est pas très bien dans le film, et on sait qu'elle est capable de beaucoup mieux. Donc je me dis, c'est peut-être le cas aussi des autres, en réalité. Oui. Très bien, bah dans ce cas-là, on va passer directement au classement. Hein. Bah oui, allons-y. Très bien, nous allons donc directement classer le film, puisque la nouvelle s'est déjà fait depuis tellement longtemps. Pour rappel, elle est actuellement 46e de notre classement livre sur 58 œuvres classées. Pour les films, nous avons actuellement 90 films classés, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Man et Jorge Valdeciga, et Room 237 de Rodney Asher. Plus jamais, Issam, s'il te plaît. Je te forcerai plus. T'inquiète pas, jusqu'à ce qu'il fasse un documentaire sur Carrie. Alors, où ça va aller ce démon du maïs? Je pense qu'on va commencer par le comparer aux autres démons du maïs et voir est-ce que ça va au-dessus ou en dessous. Et pour moi, ça va clairement au-dessus de Genesis, ça c'est évident. Ah bah oui, Genesis c'est une sombre merde. Et je pense que ça va aussi, aussi au-dessus du Fritz Kirsch et du Donald P. Borcher. Alors donne-moi des numéros. Ce 74 et 75. 74 et 75, ok. C'est les deux qui c'est les deux adaptations les plus fidèles au texte d'origine. Donc le tout premier, le Fritz Kirsch. Ouais. Et Donald P. Borcher, c'est le premier qu'on avait fait, pour le coup. C'est celui qui est super chiant. Ça va en dessous, quand même, des Démons du Maïs 4, du coup. Moi, je le trouve plus fun. Qui était mieux rythmé, ouais. Voilà, il est beaucoup plus fun. Qui allait moins chercher dans le... Il est moins cherché dans la psychologie et dans le compliqué, mais au final, ouais, il était plus fun. Il Par est contre, est-ce que... le 4, il est à la 66e. Ah oui, il est là. Ça a bien réduit la fenêtre, déjà. Oui. Là, la vraie question que je me pose, c'est Maximum Overdrive, c'est quand même plus fun aussi. Ouais. Mais je me vois quand même le foot mal en dessous des Disciples du Corbeau. Bah, il tente plus de trucs que les Disciples du Corbeau. Au final, on s'ennuie plus, mais les Disciples du Corbeau fait 20 minutes, donc évidemment qu'on s'ennuie moins. Donc oui, on peut le mettre au-dessus des Disciples du Corbeau et en dessous de Maximum Overdrive. Moi, ça me va. Ça me paraît à peu près pertinent. Très bien, donc bah, ça fait une place plus proche de la fin du classement que d'autres choses. Il n'est pas dans le flop 20, mais il n'en est pas très loin, quoi. C'est ça. Pour un film dont, encore une fois, on peut quand même signaler qu'il a le mérite d'essayer des trucs, ce qui est d'habitude pas tellement le cas dans cette partie du classement. Mais en fait, son problème, c'est que c'est un film vide. Ouais. Ça, surtout. C'est triste, hein, mais c'est ça. On peut dire qu'il rate avec un certain panache comparé oui, voilà. à d'autres. Voilà, c'est ça. On peut le dire comme ça. Et nous allons, sur ces belles paroles, sur ce bel avis, procéder au tirage au sort pour la prochaine fois. Bien, allons-y. Et c'est à moi de tirer en premier cette fois-ci, vu que c'était toi qui avais tiré les Tommyknockers la dernière fois. Donc je mélange. Et j'ai un petit papier. Ouais. Alors, ce sera un épisode de Rêve et Cauchemar, intitulé Le Grand Bazar Final, réalisé par Michael Salomon, et qui n'a aucun rapport avec Bazar le roman, c'est une nouvelle. Et donc j'agite pour toi. Vas-y, je te dis stop. Mais Michael Salomon, du coup, c'est un réalisateur qu'on a déjà vu que c'est lui qui a réalisé la série Salem la plus récente, et Grand Chauffeur. C'est-à-dire pas des trucs extraordinaires au classement. Non. Et du coup, je parle et j'imagine que tu t'agites chez toi. Je secoue. Et donc voilà, moi ça me fait beaucoup rire. Allez, vas-y, stop. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ah, ben, un autre épisode de Rêve et Cauchemar, Un groupe d'enfer de Mike Robb. Ah ben, on va arriver à la fin de Rêve et Cauchemar, si ça continue. On commence à en avoir fait un certain nombre, mais oui, il faut bien qu'ils sortent. Donc là, pour le coup, cette nouvelle-là, je suis quasiment sûr qu'elle est dans Rêve et Cauchemar, justement. Je crois que c'est la dernière nouvelle du recueil. Ok. Mais donc, du coup, ça nous fait deux choses courtes pour la prochaine fois, mais pour le coup, deux œuvres qui n'ont pas encore été traitées et pas encore été adaptées. Oui, au moins, on va avoir de la nouveauté. Quoi. On va lire, certes, des nouvelles pas interminables, mais ça va nous faire voir de nouveaux textes. Tu vois la gueule de la dernière nouveauté qu'on a eue. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on diminue de je sais pas... Même les deux combinées, elles font toujours 900 pages de moins que les Tommyknockers. Donc on va pas se plaindre. C'est ça. Je me sentais pas d'enchaîner sur Bazar, tu vois. Ah oui, non. Toute l'affection que j'ai pour Bazar. Ah non, oui, non. Ce serait bien qu'on se le garde pour dans quelques mois, quand même. Ouais, oui, voilà. Très bien. Donc nous retrouvons dans 2 semaines pour traiter du Grand Bazar final et dans 1 mois pour traiter... d'un groupe d'enfer. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, @ cinémaarchiviste pour toi sur Twitter et Blue Sky, @ The Lost Tales sur Blue Sky pour moi. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch sur la chaîne The Lost Tales pour Chris et des fois moi, et sur la chaîne cinémaarchiviste, enfin Archiviste du Cinéma. Pour moi, nous avons commencé une nouvelle... Enfin, a priori, nous l'avons commencé, parce qu'il y a des... Voilà, je parle dans le futur pour moi, mais pour vous, ce sera dans le passé. Une émission qu'on enregistrera en direct sur Twitch, consacrée au cinéma, où chaque mois, on vous parlera un peu de nouveautés, enfin d'actu, un peu de certains films, et on fera un dossier chacun notre tour à chaque fois. Yes. Sur des thèmes, pour le coup, on s'est chacun fait part de certains des thèmes qu'on aimerait aborder. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est plutôt varié. On sera des fois dans le cinéma de genre, des fois dans du cinéma beaucoup plus établi, on va dire, beaucoup voilà. Plus d'auteurs. Ou même des fois dans des genres qui concernent un peu tous les cinémas. Oui, voilà, c'est ça. Donc le but, c'est d'explorer des trucs qui nous plaisent ou qui nous rendent curieux et d'en parler un peu... Donc on serait content de vous voir déjà en live aux enregistrements, et ce sera dispo en replay, c'est encore à voir, mais peut-être qu'on peut faire une version audio et une version vidéo où il y aura, oui, voilà. Pour ceux qui veulent, voilà, on vous mettra ça en tout cas en replay. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur Discord de toute façon pour être au courant de toute notre actualité. Nous vous disons à dans 2 semaines pour le Grand Bazar final, yep. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.